La caisse de retraite allemande avait encore à déplorer un déficit de 6,5 milliards d'euros en 2019. Mais maintenant, moins de 2 ans après le début de la vaccination Covid-19, cette même caisse de retraite a pu annoncer à l'agence de presse allemande qu'elle s'attendait à un excédent de 2,1 milliards d'euros en raison du taux de mortalité élevé. Toutes les listes de décès dans le monde à ce jour prouvent que jusqu'au 30 décembre 2020, le taux de mortalité n'a pas été plus élevé que lors des années normales de grippe, voire plus bas. La caisse de retraite allemande avait encore à déplorer un déficit de 6,5 milliards d'euros en 2019. Mais maintenant, moins de 2 ans après le début de la vaccination Covid-19, cette même caisse de retraite a pu annoncer à l'agence de presse allemande qu'elle s'attendait à un excédent de 2,1 milliards d'euros en raison du taux de mortalité élevé. Ces faits ont été mis en lumière par le Manager Magazine le 28 décembre 2022, sous le titre, je cite, « Des caisses pleines. La hausse de la mortalité permet à l'assurance pension de dégager un excédent de plusieurs milliards. » En seulement 2 ans depuis le début de la vaccination, cela représente donc 8 600 millions d'euros de dépenses de retraite en moins, rien qu'en Allemagne. Ce sont maintenant les maisons de retraite vidées de leurs pensionnaires immédiatement après la vaccination Covid-19 dont CLATV a parlé, ce que tous les médias principaux ont nié et dénoncé comme étant le fruit de l'imagination d'affabulateurs. Et tous les cris d'alarme lancés à ce sujet n'ont pas non plus intéressé nos ministères publics, pas encore à ce jour. Et le projet de Bill Gates, Rockefeller, Klaus Schwab, etc., de décimer l'humanité est manifestement en train de se réaliser et continuera à se réaliser tant que nous, en tant que peuple uni, nous ne les arrêterons pas, que nous ne les contrôlerons pas et ne les détrônerons pas. Tous les événements et tous les chiffres suivants que je vais vous présenter correspondent à cette évolution de la caisse de retraite. Il s'agit en fait d'un imperceptible aveu d'horreur. Les rapports des journalistes d'investigation, Naomi Wolf et Stephen Bannon, donnent désormais un visage à cet aveu. Boris Reitschuster, un lanceur d'alerte lui aussi indépendant, a résumé leur rapport dans son reportage du 7 mars 2023 sous le titre « Crimes contre l'humanité » d'une ampleur sans précédent. Les fichiers Pfizer, le GAO, la supercatastrophe pour le géant pharmaceutique. Il s'agit de centaines de milliers de pages de témoignages que le géant pharmaceutique Pfizer voulait, contre toute évidence, cacher au public. Lorsqu'un mouvement professionnel d'information indépendant, appelé en allemand « professionnel de la santé et de la médecine pour la transparence », a eu vent de ce projet loufoque, il a revendiqué en août 2021 son droit légal de consulter ces documents. La FDA, l'Agence américaine pour l'alimentation et les médicaments, avait alors exigé en justice que ces documents de Pfizer soient tenus secrets pendant 75 ans, une période au bout de laquelle tous les principaux responsables et tous les détracteurs actuels de ce crime international seraient déjà morts. Mais les lanceurs d'alerte en question ont réussi à faire échouer cette tentative de secret devant les tribunaux. Naomi Wolf et son équipe Daily Cloud ont alors lancé un projet dont l'objectif est d'évaluer les documents rendus publics. Ils ont cherché pour cela des contributeurs professionnels et en peu de temps, environ 3500 volontaires étaient là. Des centaines de spécialistes de haut niveau, de tout genre, y compris l'ancien adversaire de Naomi, Steve Bannon. Depuis fin janvier 2023, les 50 premiers rapports Pfizer de l'année 2022 sont déjà disponibles sous forme de livres. Et c'est de cela que je parle maintenant. Mais revenons à la demande de la FDA rejetée par le tribunal. Il est étonnant que la justice ait rejeté cette demande de la FDA de garder le secret pendant 75 ans. Mais ceux qui en ont déduit que ce rejet était une victoire totale se trompent. En effet, si on a été attentif, on s'est rendu compte que le juge de district texan, Mark Pittman, avait pris une décision judiciaire vraiment très douteuse. En effet, il s'est contenté de condamner Pfizer de manière saucissonnée. Et comment ? Tout simplement en ordonnant d'abord à Pfizer de divulguer dès maintenant 12 000 pages de documents cachés. Puis chaque mois, 55 000 pages supplémentaires, jusqu'à ce que les 300 000 pages de ces documents cachés soient finalement rendus publics. Pour que chaque enfant puisse comprendre ce qui se passe ici. J'applique cette décision de justice à une bande de voleurs qui a dérobé et enterré quelque part 300 000 pièces d'or. Le juge les condamne maintenant d'un ton fort et ordonne avec sévérité « Vous devez maintenant aller chercher immédiatement 12 000 des pièces d'or volées dans votre cachette. Oui, les méchants. Et ensuite, vous devrez remettre 55 000 pièces d'or supplémentaires chaque mois. Et ce, pendant autant de mois que nécessaire, jusqu'à ce que vous ayez sorti les 300 000 pièces d'or. » Soyons honnêtes et sobres. Même avec des pièces d'or volées, une telle décision de tribunal serait une pure moquerie. Mais il s'agit ici de documents clandestins, vous comprenez ? Et sur chacune des 300 000 feuilles se trouvent des résultats de recherche tenus secrets, qui renseignent sur le nombre d'horribles dégâts de vaccination réellement causés par les substances expérimentales COVID-19. Comme nous allons le voir, Pfizer a dû embaucher 2400 personnes supplémentaires à plein temps pendant les 12 premières semaines de lancement du vaccin afin de pouvoir examiner tous les rapports de dégâts reçus. Pensons-nous sérieusement que Pfizer ne profiterait pas de cette période de repos ordonnée par le juge pour couvrir d'autant plus ses crimes par tous les moyens ? Cette décision de justice en saucissonnage était en fait une invitation à de nouvelles actions de dissimulation. On rirait de Pfizer s'il ne convoquait pas immédiatement des milliers d'autres collaborateurs à plein temps pour embellir autant que possible ses documents. Premièrement, pour que son plan de dissimulation réussisse finalement, et deuxièmement, pour que les amendes soient payées, comme d'habitude. En quelque sorte, à partir de la caisse des pourboires. Oui, même s'il y avait à nouveau des milliards d'amendes à payer. Je me permets de rappeler ici les gros titres du Handelsblatt, du Spiegel, de la NZZ, etc. de 2009. Pfizer avait déjà dû payer 2,3 milliards de dollars d'amende uniquement pour des pratiques de marketing douteuses. C'était jusqu'alors la somme d'amende la plus élevée qu'un groupe pharmaceutique ait jamais dû payer dans le cadre de telles procédures. Mais imaginez un instant de quel autre délit bien plus grave ces escrocs sont capables si rien que leurs crimes de marketing ont déjà entraîné une punition de 2300 millions de dollars. En effet, un an plus tard seulement, c'est-à-dire le 5 novembre 2010, le Arznei Telegram, un portail d'information indépendant pour les médecins et les pharmaciens, a publié un petit registre des infractions de Big Pharma. Il ne s'agissait que des crimes les plus graves de Big Pharma, avec leurs amendes colossales de 2009 et 2010. En raison de stratégies de commercialisation contraires à l'éthique ou d'une production bâclée, Presque tous les fabricants pharmaceutiques américains ont dû payer de plus en plus souvent des amendes de plus en plus colossales. Après la découverte de pots de vin scandaleux, en plus de ses pratiques de marketing illégales, Pfizer a finalement dû débourser plus de 1,6 milliard d'euros. Eli Lilly a également été condamné à plus d'un milliard d'euros à la même époque. Allergan, 430 millions d'euros pour avoir propagé l'utilisation off-label du Botox. Bayer a payé 2,4 millions d'euros pour des affirmations publicitaires mensongères, voire trompeuses. Et le géant pharmaceutique GlaxoSmithKline, 535 millions d'euros pour avoir produit à plusieurs reprises des médicaments contaminés et non conformes à la déclaration dans l'une de ses usines fermées depuis. Novartis s'est vu infliger une amende de 300 millions d'euros, entre autres, pour avoir commercialisé des produits non labellisés. Faut-il continuer à énumérer? Pourtant, à peine 4 ans plus tard, c'est-à-dire le 14 janvier 2014, les mêmes médias titraient « Industrie pharmaceutique, les amendes de plusieurs milliards n'ont aucun effet ». Cela montre bien de quel bois sont faits ces criminels. Mais revenons à Naomi et Steve, qui n'ont évidemment pas manqué cette condamnation saucissonnée. C'est pourquoi ils ont immédiatement commencé à analyser les documents déclassifiés du géant pharmaceutique Pfizer sur ses vaccins Covid, avec l'aide de milliers d'experts de haut niveau, et ont déjà publié leurs premiers résultats ces jours-ci. Naomi Wolf a résumé ses résultats en parlant de crime contre l'humanité. En effet, depuis l'introduction du vaccin Covid, Pfizer a consigné dans ses études cachées qu'il existe de nombreux effets nocifs et un échec concernant l'effet publiquement garanti. Pour le dire d'emblée de manière globale, si l'on voulait lire les rapports sur ces 158 893 événements nocifs dévoilés, rien qu'au cours des 12 premières semaines après le début de la vaccination, cela prendrait plus de 80 heures. Le fait est que Pfizer ne s'attendait pas à ce qu'il y ait déjà plus de 158 000 rapports individuels d'événements nocifs au cours des premières 12 semaines de l'introduction du vaccin. Pfizer a dû engager une équipe de 2400 collaborateurs supplémentaires à plein temps pour pouvoir gérer ce nombre de cas. Malgré ce personnel supplémentaire, Pfizer n'a pas été en mesure de déterminer définitivement les dommages causés par les vaccins chez plus de 20 000 personnes. Voici juste quelques aperçus de 50 rapports qui indiquent déjà un crime massif contre l'humanité. Les données de Pfizer issues des études cliniques, qui promettaient une sécurité et une efficacité élevées, ne correspondent absolument pas aux données pratiques soumises à la FDA. Pfizer aurait en effet rapporté qu'au cours des 12 premières semaines de l'introduction du vaccin, 32 760 personnes vaccinées présentaient des lésions connues et plus de 200 personnes étaient décédées. Toutes sortes d'autres faits et d'indices effrayants ont déjà été révélés dans les premiers documents publiés. Ainsi, Pfizer aurait su très tôt que les vaccins à RNM ne fonctionnaient absolument pas comme cela avait sans cesse été affirmé. Il a été révélé que les composants des injections d'ARNM, y compris les nanoparticules lipidiques, LNP, se répartissent en quelques jours dans tout le corps et s'accumulent dans le foie, les surrénales, la rate et les ovaires. Il a été révélé que Pfizer et la FDA savaient dès le début que les injections étaient nocives pour le cœur des mineurs, mais qu'ils ont tout de même attendu des mois avant d'informer le public de cette tragédie. Il a été révélé que 61 personnes sont mortes d'un accident vasculaire cérébral au cours des 12 premières semaines d'introduction du vaccin. La moitié de ces accidents vasculaires cérébraux se sont produits dans les jours qui ont suivi l'injection. est que 5 personnes sont mortes de lésions hépatiques, de nombreuses autres lésions hépatiques étant survenues peu après l'injection. Toutes sortes d'événements neurologiques ont été révélés, des problèmes cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, des hémorragies cérébrales, ainsi que des thromboses à grande échelle dans les jambes et les poumons. Il était révélé que les maux de tête, les douleurs articulaires et musculaires sont largement répandus en tant qu'événements nuisibles. Pourtant, les autorités ne les ont pas signalés comme effets secondaires récurrents. C'est alors que sont apparues les attaques bouleversantes et clairement identifiables contre la capacité de reproduction humaine, dommages aux testicules, au nombre de spermatozoïdes, à leur mobilité, etc. Dommages aux ovaires, au placenta, et au cycle menstruel. Il a été révélé que plus de 80% des grossesses liées à la vaccination se sont soldées par des avortements spontanés, des grossesses arrêtées, des accouchements prématurés. Il a également été révélé que 72% de certains événements nocifs se sont produits en particulier chez les femmes et que 16% d'entre elles étaient des troubles de la reproduction, selon les propres termes de Pfizer. Une douzaine de définitions ou plus ont été révélées pour désigner la destruction des cycles menstruels des femmes adultes et adolescentes. Il a également été révélé que Pfizer a reconnu que les vaccins à ARNm peuvent mettre en danger d'autres organismes humains, par exemple par contact cutané, inhalation et contact sexuel, en particulier au moment de la conception. L'évaluation de tout ce que Pfizer a fait est loin d'être terminée. Elle n'en est qu'à ses débuts. Il en va de même pour l'enquête de la FDA, qui était également en possession de tous ces documents. Depuis, de nombreux experts de haut niveau ont rédigé leur rapport sur la base de sources primaires, c'est-à-dire de témoignages de première main. Il est donc d'ores et déjà clair qu'un crime contre l'humanité d'une ampleur sans précédent vient d'être commis et est toujours en cours. Un crime d'une ampleur sans fin. Il est évident que, de ce point de vue, de nombreux événements et actes flagrants d'autres hauts responsables au cours des deux dernières années de vaccination s'éclairent également. Voici un bref rappel de l'histoire récente. Début 2021, les premières campagnes de vaccination COVID ont été lancées avec l'approbation de l'EMA, qui a vanté la sécurité et l'efficacité des injections vénéneuses d'ARNm expérimental. Et ce, bien que des chercheurs indépendants aient clamé haut et fort qu'aucun animal de laboratoire n'avait survécu à ces substances expérimentales. À la fin de la première année de vaccination, c'est-à-dire début 2022, les gestionnaires en assurance-vie américains ont annoncé 40% de décès en plus chez les 18-64 ans. Et ils attestaient, c'est un taux de mortalité jamais vu, le plus élevé de l'histoire. Mais à la mi-octobre 2021, donc moins de 10 mois après le début de la vaccination, plus de 2 millions de lésions dues à la vaccination et plus de 25 000 décès dus à la vaccination avaient déjà été mis en évidence rien que dans l'UE, dont de nombreux cas d'arrêt cardiaque immédiat. C'est d'ailleurs un scénario qui nous a été présenté exactement ainsi pendant des décennies dans différents films de cinéma et jeux électroniques. Tous ces producteurs étaient-ils prophètes par hasard? Dans l'UE, ces décès dus à la vaccination représentaient, selon les pays, plus de 30 à 80 fois la moyenne à long terme de tous les décès dus à l'ensemble des vaccins administrés jusque-là. Aux États-Unis, on comptait déjà à la mi-octobre 2021 plus de 15 000 morts et environ 800 000 victimes d'effets secondaires suite au vaccin. Tous ces chiffres sont accessibles au public et doivent bien entendu être compris sans tous les cas non déclarés. Et connaissez-vous la raison officielle pour laquelle aucune justice n'a encore pris de mesures à ce sujet? Il a suffi à ces ravageurs de la médecine nuisibles au peuple de prédire à haute voix que, sans leurs injections toxiques, des centaines de millions de personnes allaient mourir. Et depuis, les quelques millions de morts et de victimes sont simplement considérés comme un petit dommage collatéral. Selon la devise, mieux vaut quelques millions que quelques centaines de millions de morts et de victimes. Comprenez-vous cette astuce? Avec de tels critères, n'importe quel autre groupe terroriste pourrait menacer de tuer des centaines de millions de personnes et plaider l'innocence après n'en avoir tué que quelques millions. Mais parlons maintenant des personnes lésées aux États-Unis. 10 mois seulement après le début de la vaccination, on constate là aussi la multiplication de la moyenne à long terme de tous les dommages causés jusqu'alors par l'ensemble des vaccins administrés. Le 3 avril 2023, le vigilant journaliste d'investigation Oliver Cygnus a mis en lumière le fait que l'EMA avait elle aussi supprimé plus de 200 000 rapports sur les effets secondaires nocifs du vaccin Covid. Cependant, cette agence européenne des médicaments a la responsabilité de protéger et de promouvoir la santé humaine et animale, notamment par l'évaluation et la surveillance des médicaments au sein de l'UE et de l'espace économique européen. Quelle tragédie! À la date limite du 20 mars 2023, cette autorité aurait donc tout simplement supprimé 34% des rapports sur les décès. Il en va de même pour 30% de la catégorie des cas pouvant être mortels, 23% des notifications de séquelles durables et 25% des hospitalisations. En ce qui concerne la notification de maladies individuelles, la proportion serait même plus élevée au sein de l'espace économique européen. Un tiers de toutes les déclarations d'infarctus auraient également tout simplement disparu. De même, près de la moitié de toutes les déclarations de myocardite, c'est-à-dire de cas d'inflammation du muscle cardiaque, 34% de tous les décès. De plus, 33% des cas de troubles de la coagulation ont disparu des rapports. Tous ces cas de dommages vaccinaux dissimulés sont exactement les conséquences de la vaccination contre lesquelles le professeur Zoukhari Bagdi et des milliers d'autres spécialistes avaient déjà mis en garde avant le début de la campagne de vaccination Covid. Des milliers de personnes ont mis en garde contre cela. Mais l'EMA tente aujourd'hui tout simplement d'enjoliver ces 200 000 rapports disparus de dommages vaccinaux Covid en affirmant que ce sont simplement des déclarations de dommages vaccinaux soumises en double qui ont été supprimées. Ah oui, vraiment? 200 000 fois? Qui peut bien croire une chose pareille? Personnellement, je crois plutôt ceci. Si tous ces dictateurs de la vaccination et leurs complices étaient capturés et alignés pour être vaccinés sous contrôle neutre, avec les mêmes toxines ARNM qu'ils voulaient imposer au monde, savez-vous ce qui se passerait? Ils se mettraient immédiatement à hurler et à implorer la pitié. Du moins, tous ceux qui savent ce qui se passe et qui n'ont pas suivi aveuglément. Et maintenant, je vais comparer les époques. Jusqu'à aujourd'hui, on parle encore dans le monde entier de cette grande attaque historique d'un train postal en 1963, au cours de laquelle quelques millions de dollars ont été emportés sans fusillade. Nous oublions que depuis des décennies, c'est toutes les heures que la mafia pharmaceutique et le complexe numérico-financier mondial frauduleux empochent de telles sommes. Mais ce que le monde entier ne manque pas de remarquer et qu'il voit encore clairement des années plus tard en raison de l'agitation médiatique, c'est cette pauvre petite caissière qui s'est emparée de quelques tickets de caisse d'une valeur de 1,50 €. C'est fou, non? De même, chacun d'entre nous se souvient plus facilement de toutes sortes d'histoires où notre justice a sanctionné la moindre infraction au stationnement jusque dans le dernier recoin. Nous nous souvenons plus facilement des excès de vitesse et de leurs amendes faramineuses, surtout en Suisse, des condamnations qui ont suivi et de leurs handicaps pour trouver un emploi lorsque c'était nécessaire, etc. Les escrocs pharmaceutiques, en revanche, peuvent conserver leur emploi et continuer à exercer leurs activités malhonnêtes sans être inquiétés, même après des amendes de plusieurs milliards. Où en sommes-nous arrivés? Combien de médecins critiques à l'égard des vaccins, mais parfaitement honnêtes, ou combien d'avocats et de scientifiques de toutes sortes ont vu leur autorisation d'exercer retirée sur le champ et ont été immédiatement interdits d'exercer rien que depuis le début de la vaccination? Et pourquoi cela? Tout simplement parce qu'ils ne pouvaient plus, pour des raisons de conscience, garder le silence face au véritable crime expérimental Covid de Big Pharma qui a été découvert. Ils ne pouvaient plus se taire sur ce que les autres faisaient. Oui, simplement parce qu'ils avaient exigé un débat public sur ces terribles expériences sur les peuples et qu'ils voulaient démontrer de manière experte qu'il s'agissait de rien de moins que d'un génocide. Mais une fois de plus, seuls ceux qui avaient signalé cet incendie ont été condamnés, et non ceux qui l'avaient provoqué. C'est notre problème en ces temps. Oui, on laisse jusqu'à présent Big Pharma poursuivre ses pratiques terroristes et génocidaires sans être inquiété, avec tous ses auxiliaires criminels de la politique, des médias et de l'économie, avec ses complices de la science, de la justice, de la religion, etc., malgré des milliers de plaintes pénales pour génocide et des décès massifs avérés. Les parquets de tous les pays continuent de se dérober à leur devoir d'enquête et laissent ainsi les assassins insolents dénoncés poursuivre leurs activités sans être inquiétés, même après des milliards d'amendes, même après plusieurs fois des milliards d'amendes. Il n'y a jamais eu d'ordre d'en haut de prendre d'assaut Big Pharma avec des unités spéciales lourdement armées, comme ça a été fait à plusieurs reprises contre d'inoffensives critiques de la vaccination ou contre des jeunes médecins responsables, voire même contre des médecins retraités, des professeurs réputés, etc. Et on n'a pas seulement mis sans dessus dessous leurs locaux de travail et leurs cabinets. On s'est même introduit dans leurs appartements et leurs espaces privés. Sur place, tout a été mis sous scellé et examiné dans les moindres détails. Or, c'est précisément la tâche des procureurs vis-à-vis des géants pharmaceutiques dénoncés. Tous leurs laboratoires, bureaux, dossiers et moyens devraient être saisis sur le champ et mis sous scellé jusqu'à ce que des commissions d'enquête externes, totalement neutres et indépendantes, aient examiné et évalué de manière professionnelle tous leurs agissements. Tous menottés, comme cela se fait. Quand donc l'humanité comprendra-t-elle enfin quel genre de grands criminels nos autorités judiciaires du monde entier épargnent constamment et laissent littéralement filer? Quand tout le monde se rendra-t-il compte qu'avec Big Pharma, nous n'avons pas seulement affaire à une mafia du crime marketing de haut niveau, mais aussi et surtout à une bande maudite d'assassins qui nuit depuis des décennies à des peuples entiers, qui s'enrichit sans scrupule grâce à des maladies alimentées par des médicaments et qui, malgré les génocides en cours, n'est pas vraiment sanctionné par la justice ni placé en détention préventive comme elle le devrait. Même pas après que des milliers de spécialistes de haut niveau, des sommités de toutes les disciplines nécessaires, ont prouvé professionnellement que les vaccins Covid, c'est-à-dire les expériences sur les peuples, sont tout autant que le 11 septembre, par exemple, un attentat terroriste. Quand est-ce que tout le monde comprendra que c'est précisément pour cela que nous sommes maintenant sollicités, nous, le peuple, et chacun d'entre nous, parce que même ces milliards d'amendes imposées à l'industrie pharmaceutique ne sont que des bagarres publiques entre des groupes de conflits partisans, je pense, maçonnique et hostile. Le peuple doit maintenant s'impliquer. Les peuples floués et trompés doivent maintenant s'unir de manière intransigeante pour exiger qu'on dépossède enfin ce genre de personnes et qu'on les mette hors circuit. Il faut consacrer leurs bénéfices de crise aux soins et à l'assistance de tous ceux qu'ils ont lésés. Ces bénéfices doivent être au service de ces personnes lésées, et ils ne peuvent plus les garder pour eux et s'enrichir. Pour conclure, je me permets de souligner que dans les discours qui s'affichent à l'arrière, je n'étais que la voix de milliers de professionnels, à la fois opprimés et anxieux. Ils nous ont tous avertis à temps de cette super catastrophe. Dès le 27 mars 2020, dans mon discours, j'ai conjuré en larmes tous les virologues, épidémiologistes, médecins spécialistes, fonctionnaires de la justice, etc., qui se taisaient par peur, de se lever eux-mêmes et de ne plus nous abandonner, nous les profanes, sur ce champ de bataille hybride, dans le combat d'information que nous menons à leur place. Je vous remercie tous, vous qui avez répondu à cet appel et qui vous êtes engagés dans la lutte pour le dévoilement, et également au nom de tous les lanceurs d'alerte libre, pour votre soutien professionnel. Sans vous, ce combat décisif pour les profanes que nous sommes n'aurait aucune chance d'aboutir. S'il vous plaît, continuez à agir ainsi et à appeler tous vos collègues et les professionnels que vous connaissez à vous aider courageusement. Mettez-vous debout devant les caméras, témoignez de ce que vous savez. Ce monde a besoin de vous, et sans vous, il n'y a ni argument, ni voix. Mais c'est nous qui sommes votre voix. Réécoutez, s'il vous plaît, les discours et les appels que nous venons de mentionner. Vous les entendrez aujourd'hui d'une toute autre oreille que lors de la phase initiale et brumeuse de cette guerre hybride et de toute cette histoire. Tout s'est passé exactement comme cela a été dit. Tout ce que CLA TV a rapporté depuis s'est également produit. Rien n'a manqué. Ne laissez jamais s'éteindre l'appel permanent à un débat ouvert sur toutes ces choses. Appelez sans cesse à une interdiction du profit de crise à l'échelle mondiale. Diffusez des émissions comme celle-ci partout où vous le pouvez. Exigez avec nous les nouvelles juridictions indépendantes dont nous avons un besoin urgent. La communauté mondiale menacée est déjà fortement endommagée, ne doit plus se reposer jusqu'à ce que toute la montagne de ces crimes soit exposée au grand jour. En raison du silence délibéré des médias de masse, la majorité de l'humanité ne sait malheureusement toujours pas ce qui se passe réellement depuis le début de la vaccination. Même maintenant que les premiers médias commencent à le dévoiler, ils ne le savent pas parce qu'ils ne se focalisent que sur des délinquants isolés pour se sortir de l'ornière. Malgré tous les blocages de l'information et la censure d'Internet, tant de célébrités de toutes sortes sont déjà tombées mortes devant les caméras et de nombreuses autres célébrités ont dû se retirer de leur carrière immédiatement après la vaccination. C'est pourquoi même les médias calomnieux n'ont pas pu empêcher qu'au moins la pointe de cette gigantesque montagne de fraude soit visible sous leurs propres yeux. Ces tragédies ont eu lieu et le prochain film vous les montrera. Restez avec nous si vous le pouvez et voyez de vos propres yeux la catastrophe qui s'est produite depuis la vaccination Covid, ne serait-ce que parmi les célébrités, depuis toutes sortes de sportifs jusqu'à toutes sortes d'artistes, en passant par les gens de la télévision, etc. Le documentaire qui suit n'est, lui aussi, qu'un petit aperçu de l'ampleur réelle, malgré l'abondance des preuves. Wieder nur ein kleiner Abstrich des realen Ausmaßes, das muss leider wieder gesagt sein. Aber ich sage zusammen. Je résume maintenant. Si les médias de masse calomnieux ne peuvent plus maintenir leurs mensonges, ne serait-ce que parce que tant de célébrités ont disparu depuis l'introduction des vaccins, combien de victimes innombrables auront en outre déjà été recensées dans la population générale, dont nous n'avons aucune idée, même si les premières sont maintenant admises. Je pense que c'est précisément en ces jours qui sont les nôtres qu'on verra définitivement si Jésus-Christ savait de quoi il parlait lorsqu'il nous a garanti, je cite, « Tout ce qui est maintenant secret sera un jour révélé. Et tout ce qui est maintenant secret sera rendu compréhensible pour tous. » Je suis Ivo Sasek qui se tient devant Dieu depuis 46 ans. Ich bin Ivo Sasek, der seit 46 Jahren vor Gott steht.